La délégation des permanents de la Tongyun, Association générale des Coréens résidant au Japon, conduite par Kang Yong-chul, chef de section du présidium du comité central de la Tongyun, arrivée à Pyongyang par avion le 15, a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage.